Mon pote Carl, il fume la bête d'Amsterdam. Il dit ouais, ça c'est les madames. Il est toujours dans le macadam. Ce qu'il aime bien, c'est les madames. Tous les soirs qu'il se cale à l'estat. Devant le kipi, il fait le macaque. Mais écoute ça, comment est-ce à André? Nos potos, il a pas signé pack. Des allers-retours, il s'apprécie pour tout sans retour. Oh ma petite madame, il se trouve belle et c'est sans retour. Il aime pas les contrôles de police, il s'en fout, assurer tout risque. Tu m'appelles, tu veux être ma nourrice, il aime bien les joues de madame quand elle rougisse. Les cocois, Todorina, il fait partie des bagnards à la John Cena. Je prends pour Attila, cherche la mise dans la colina. Toute la journée, il traîne ses bâtons, parle au pipi comme Hermanos. Il met la cagoule, il est plein de matos, ferme ta gueule, moi dans le carrosse. Il aime bien ses délais, oh madame, ce tu fais le voyou, il va te niquer ta grams. Gros bandit à la tête ben cramée, direct sort de la famille Adams. Il aime bien ses délais, oh madame, ce tu fais le voyou, il va te niquer ta grams. Gros bandit à la tête ben cramée, direct sort de la famille Adams. Mon postal, il fume la buzz d'Amsterdam. Il dit ouais, j'ai toutes les madames. Il est toujours dans la macadam. Ce qu'il aime bien, c'est les mozzarelles. Il fume la buzz d'Amsterdam. Il dit ouais, j'ai toutes les madames. Il est toujours dans le macadam. Ce qu'il aime bien, c'est les madames. Où les billes s'opposent, elle me trouve beau, je connais pas la cause. Au quartier, je suis le sang, mais voyant, il m'appelle la dose. Je fais la morale, il est plein de dictons. Il a rien dans la tête, il est tarpin con. Il fume la fusée, roule un shit au miel. Il est fumé par un, tu sais, tarpin bon. À part le petit bouche de madame, rien lui plaît. Rien à faire qu'il traîne la journée. Il prend un thème pour s'amuser. Chapeau de paille en hiver, froid en été. Il croit qu'en ouvrant une alim, à sa mère peut construire un palais. Ah, il me fait rigoler. C'est lui que j'aime le plus au quartier. Fume la veille, il ouvre la fenêtre. Il m'appelle piston alors que j'ai vu net. À la fume de la peur, reconnaît les traîtres. Le genre de pote qui va jamais te la mettre. Là, il pisse ta copine. Là, il pisse ta copine. Là, il pisse ta copine. Là, il pisse ta copine. Il a faim, il pisse ta copine. Il a même géré sa voisine. Il veut être calé, avoir une alim. Que tu se revêtes, il n'aime pas les jeans.